Et si j'avais pas dit ces mots, m'aurais-tu écrit cette lettre? Peut-être qu'il faudrait disparaître, fuir ces chaos sentimentaux. Et si je me taisais comme les sourds, que je mentais sur tous mes amours, m'aurais-tu donné ta confiance? Serions-nous chez toi comme avant? Et si j'avais pas acheté des cartons pour tout emballer, aurais-tu gardé mes affaires? Ne m'aurais-tu jamais quitté? Et si j'avais pas embrassé des hommes comme on mange au buffet, les hommes comme pour toi sont les femmes, mon corps sent encore leur présence, des si je pourrais en inventer, jusqu'à ce que tu changes d'avis, de là à pouvoir oublier tous nos petits amis. Les si je voudrais tous les stopper, l'urgence verbale a le pouvoir, de là à savoir oublier tous nos petits non-dits, tous nos petits non-dits. Et si seulement on s'écoutait, si seulement nos bouches s'accordaient, si seulement on ne renonçait pas aussi de devoir y lire, si le temps nous laissait un temps, si blessant nous laissant salement, une lueur d'amour amarré, pas le temps de redémarrer. Mes peurs ont éveillé des mots, que même si tu m'aimes, tu meurs, alors tu prends cette décision d'assumer comme un chevalier. Maintenant que nous avons clamé nos besoins d'une insurrection, peut-être encore une dernière fois se donner enfin une raison. Des si je pourrais en inventer, jusqu'à ce que tu changes d'avis, de là à pouvoir oublier tous nos petits amis. Les si je voudrais tous les stopper, l'urgence verbale a le pouvoir, de là à savoir oublier tous nos petits non-dits, tous nos petits non-dits. Maintenant que nous avons mangé le mur de cailloux de nos cœurs, si nous nous laissions voyager, apaiser cette douce douleur, apaiser cette douce douleur, apaiser cette douce douleur.